بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. On se retrouve, mes frères et mes sœurs, pour notre cours de fiqh basé sur ce livre Manhaj al-Salikin, écrit par l'allama Cheikh Abdurrahman al-Sa'di wa al-Si'di rahimahullahu ta'ala. Et on se base sur les annotations données par notre cheikh, Cheikh al-Fadil Arafat ibn Hassan al-Muhammadi, hafizahullahu ta'ala. Et nous avions terminé, lors du dernier cours, le sujet concernant al-istinja wa al-istijmar wa adab qada il-haja. Hein? Le comportement à avoir lorsqu'on fait ses besoins, akramakumullah. Et un de nos frères a attiré mon attention sur un athar de Abdullah ou Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, concernant le sujet al-istiqbal wa al-istidbar, hein, il al-qibla inda qada il-haja, le fait de faire face ou de faire dos à la qibla lors des besoins naturels. Et on avait mentionné, hein, qu'il y avait une divergence sur le sujet, et on avait choisi comme opinion, hein, l'avis que notre cheikh Arafat avait mentionné, qui était l'interdiction totale de faire face et de faire dos à la qibla, que ça soit à l'intérieur des constructions ou à l'extérieur. Et ça, c'était, on avait dit, l'avis de quel madhab? Abu Hanifa. Naam, ahsantum. Imam Abu Hanifa. On peut rajouter également, donc, l'avis, c'est l'avis de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah et de son élève Ibn Qayyim rahimahumullahu ajma'in. Donc on avait choisi cet avis concernant l'interdiction totale. Mais comme notre frère nous a rapporté un athar d'Ibn Umar, j'ai jugé bon de détailler un petit peu le sujet afin que chacun de vous ait connaissance de ce sujet. Donc il faut savoir, concernant le fait de faire dos ou de faire face à la qibla dans les constructions, hein, parce qu'à l'extérieur, naam, on a vu les hadiths clairs sur le sujet, mais dans les constructions, lors des besoins, il y a 5 avis des ulama. Il y a 5 avis des savants. Premier avis, le fait que c'est permis totalement. Faire dos, faire face dans les constructions, tout est permis. Ça, c'est un avis. Un autre avis, c'est le contraire, tout est interdit. C'est l'avis qu'on a choisi, nous. On a l'avis d'Abu Hanifa, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, et hein, comme ici dans notre explication, notre Cheikh Arafat. Un autre avis qui permet le fait de faire dos à la qibla dans les constructions. Seulement le faire dos, ça c'est permis, mais faire face, c'est pas permis. Un quatrième avis qui dit qu'il est permis de faire dos, hein, à la qibla dehors, en dehors ou dans les constructions, hein, ni n'importe où, mais on n'a pas le droit de faire face. Et le cinquième avis, et c'est celui-là qui nous intéresse, hein, l'avis numéro 2 et la numéro 5, c'est les avis les plus forts. Le cinquième avis, c'est qu'il est permis de faire dos et de faire face à la qibla dans les constructions, mais il est interdit à l'extérieur des constructions. Et ça, c'est l'avis du Jumhur, c'est-à-dire de la majorité des savants. Fahimtoum? Et qu'est-ce qu'ils disent, hein, le Jumhur, la majorité des savants? Ils mentionnent. قالوا إنه تجتمع فيه الأدلة ولا تتعرض واستدلوا كذلك بما رواه مروان الأصغر قال رأيت ابن عمر رضي الله عنه أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا قال بلى إنما نهي عن هذا في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. وهذا رواه أبو داود. Donc le Jumhur, ils disent, hein, pourquoi on permet de faire dos, de faire face dans la construction, dans les constructions, afin, ou ça, c'est la vie qui permet de regrouper toutes les preuves sur le sujet. Hein, qui nous permet de regrouper toutes les preuves sur le sujet sans qu'il y ait de contradiction entre ces preuves. Également, ils utilisent hein, le athar d'Ibn Omar, rapporté par Marwan al-Asrar, rahimallahu ta'ala, qui dit « J'ai vu Ibn Omar hein, placer sa monture en direction de la Qibla, ensuite s'asseoir et uriner en direction de sa monture, donc en direction de la Qibla. » Alors, je lui ai dit « Ya Abdurrahman hein, », la kunya de Abdullah Ibn Omar, c'est quoi ?« Abu Abdurrahman ». N'est-ce pas qu'on a été interdit de cela ? Interdit de quoi ? De faire face à la Qibla. Alors, Ibn Omar il dit, certes, ceci a été interdit, mais dans le fada, il est dans le désert, là où c'est vide. Hein? Mais si tu as entre toi et entre la Qibla quelque chose qui te couvre, alors il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Donc, en utilisant ce hadith, hein, les Jumhur disent, ceci nous prouve qu'il est permis de faire face ou de faire dos à la Qibla dans les constructions. Fahimtoum? Le hadith, comme on a dit, est rapporté par Abu Daoud et authentifié par Cheikh Nasir al-Albani, rahimallahu ta'ala. Tayyib, comment se fait-il qu'il y a un avis qui dise alors que c'est interdit? Il faut savoir que ce hadith, certains l'ont rendu faible. Ils ont divergé sur son authenticité. D'accord? Attention, mes frères. Hein? Il faut savoir que les savants du hadith hein, ont aussi divergé concernant l'authenticité de certains hadiths. Hein? Et Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala nuhibbuhu kathiran lakin qad yukhti. Cheikh Al-Albani, on l'aime beaucoup et c'est un imam dans la science du hadith à notre époque. Hein? Il était appelé muhaddith hadha al-asr pardon. Hein? Il était appelé le muhaddith de cette époque. Il a fait un travail extraordinaire dans le hadith. Tayyib, mais il est possible que Cheikh Al-Albani soit trompé dans certaines vérifications. Et comme on l'avait déjà souligné, mes frères, il existe même deux volumes assez gros, hein, sur tous les hadiths où Cheikh Al-Albani est revenu sur son avis. Ce qu'il a rendu da'if après il a vu qu'il était sahih, ce qu'il avait rendu sahih après il a vu que c'était da'if. Donc lui-même, il s'est corrigé. Donc c'est pas parce qu'on a dit obligatoirement authentifié par Cheikh Al-Albani, ça y est, c'est forcément juste à 100%. Non, c'est possible que un Cheikh soit trompé, et c'est possible qu'il y a des autres savants hein, qui les contredit dans l'authentification de ces hadiths. Al-Muhim, ici ce hadith, donc il y a certains savants qui l'ont rendu faible. Taïb, qui l'ont rendu faible. Voilà pourquoi certains voient que ce n'est pas une preuve, parce que pour eux, le hadith est faible. Vous avez compris? Afin de comprendre la divergence. Al-Muhim. Hein, je voulais pas trop. Moi, je voulais pas rentrer trop dans cette divergence. Mais comme notre frère, Hafizahullah, nous a mentionné le Athar, j'ai jugé bon de parler un petit peu du sujet. Quoi qu'il arrive, si on choisit le deuxième avis, c'est-à-dire l'avis que c'est interdit totalement, en dehors et dans les constructions, on aura choisi ce qui est Ahwat. Ce qui est plus sûr, dans la mesure où on prend pas de risque, on sort du khilaf. D'accord? Parce que si tu te tournes, que ce soit dans les constructions ou en dehors, alhamdoulilah, Yanni, t'as pas fait de mal. Et Yanni, t'es sorti de la divergence. Fahimtoum? Alhamdoulilah. On continue, inshallah ta'ala, après cette petite clarification. Un fasl, izalatun najasa wal ashiya al najisa. Tu l'as ce titre dans ta. Je vérifie à chaque fois parce que moi, par exemple, dans ma version, dans ma taba, dans ma maison d'édition à moi, je l'ai pas ce titre. Et dans certaines, elle y est. Hein, comme j'ai dit, des fois, il y a des divergences entre les maisons d'édition. Al-Muhim. Chapitre concernant le fait d'enlever les choses impures, Al-Najasa, et quelles sont les choses, justement, impures. Yujad farq bayna najis wa mutanajis. Al-Najis huwa alladhi bi'aynihi najisun. Kal-ghait aw al-bawl. فمثلا لو أتيت بالغائط فسببت عليه ماء البحر هل يتطهر؟ لا أبدا أبدا. والمتنجس هو الذي أصابته النجاسة كمثلا الثوب الذي وقع عليه البول. En arabe, mes frères, il y a une différence ici, nous dire Cheikhouna, Cheikh Arafat, entre najis et mutanajis. En français, c'est un peu difficile à traduire. Parce que... Mutanajis ou mutanajis? Mutanajis, Ahsan, c'est pas le fiqh. Najis, najis ou alladhi bi'aynihi najis. Najis, ce qui est impur, c'est ce qui est impur en lui-même. C'est ce qui est impur en lui-même. D'accord ? C'est-à-dire, comme par exemple les excréments ou l'urine. Si tu déverses l'eau de toutes les mers sur les excréments ou sur l'urine, il reste impur. Il ne sera jamais purifié. Al-mutanajjas ou alladhi asabatu an-najas. Alors que le mutanajjas, c'est celui qui a été touché par une najasa. Comme un habit, par exemple, il est pur à la base, mais il y a de l'eau, il y a de l'urine, par exemple, qui est tombée dessus. Donc il est devenu impur. Mais il n'est pas impur en lui-même. Fahimtoum? Tayyib. قال المصنف رحمه الله تعالى ويكفي في غسل النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل. Et donc il dit, il suffit de laver les impuretés qui sont sur le corps, sur l'habit ou sur l'endroit où tu vas prier ou autre, afin d'enlever aynuha anil mahal, afin d'enlever la base de l'impureté sur l'endroit que tu nettoies. يعني لو عندي الثوب ويقع عليه نجاسة كالبول فأزيلها بأن تزول العين يعني عين النجاسة التي وقعت زالت ليس لها آثار يكفي هذا وهو المطلوب وأجمع العلماء على ذلك. يعني c'est-à-dire, nous dit ici Cheikhouna, si tu j'ai un habit et qui tombe dessus une impureté comme de l'urine, alors je dois l'enlever. Je dois enlever la base, la trace de l'urine. D'accord ? Et donc, si la base de l'impureté tombe ou touche l'habit, le corps, l'endroit où on prie, d'accord ? Je dois l'enlever et enlever cette impureté. Et ceci est ce qui est demandé. Et ça, les ulémas sont unanimes sur le sujet. ولا يشترط أن يكون بالماء ولا يشترط أن يكون بالماء كما قلنا في الاستنجاء إذا أزالت النجاسة من ثوبك بأي شيء وزالت النجاسة يعني زالت عينها يكفي لأن لا يشترط إزالة النجاسة النية بخلاف الوضوء بخلاف الوضوء. C'est-à-dire qu'il n'est pas conditionné que cette impureté soit ôtée, soit enlevée forcément avec de l'eau, comme on a vu pour dans le sujet de quoi al-istinja, lorsqu'on se nettoie des besoins naturels, akramakumullah. Il suffit donc que l'impureté soit enlevée. Ou que tu enlèves l'impureté. Qu'elle s'enlève ou que toi tu l'enlèves. Si hein, la base de l'impureté est enlevée, ça suffit. Et tu n'as pas besoin d'avoir d'intention. Au contraire d'El Woudou. Pour clarifier la parole de Shir ici, mes frères, si un jour, par exemple, j'ai chaud, hein, je lave mon visage, je lave mes mains, hein, je passe l'eau sur ma tête, je lave mes pieds, comme les ablutions. Mes ablutions sont valides ? Non. Pourquoi ? J'ai pas eu l'intention de me purifier. Maintenant, si j'ai de l'urine sur mon habit, d'accord ? Mon habit, je l'ai mis hein, sur la porte pour faire un travail. Le soleil a tapé sur mon habit et a enlevé les traces de l'urine. Est-ce que c'est pur ou pas ? Non. Pourtant, j'ai pas eu l'intention d'enlever l'urine. J'avais pas l'intention. Mais le soleil a fait que l'urine est partie. Donc, quand tu veux... Al-Najasa, hein, elle n'a pas besoin d'intention pour être ôtée. Par n'importe quel moyen, elle part, elle s'enlève ou elle a été enlevée, alors elle c'est suffisant. Fahimtoum ? C'est important ça. Parce que certains vont dire, non, il faut que tu nettoies. Tu n'as pas eu l'intention de nettoyer. Il faut que tu mettes de l'eau, tu frottes du savon et tout ça. Hein, des fois, ça, surtout ceux qui ont des wasawis. Hein? Fahimtoum ? لأن الشارع لم يشترط في غسل النجاسة عددا إلا في نجاسة الكلب فاشترط فيها سبع غسلات إحداها بالتراب. Pourquoi? Parce que le législateur, من هو الليجيسلاتور؟ الله سبحانه وتعالى. الشارع لم يشترط في غسل النجاسة عددا. Il n'a pas conditionné dans le nettoyage des impuretés un nombre précis. كما قالت عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري إن عندنا ليس معنا إلا الثوب ومعلوف في زمانهم رضي الله عنهم كان ما يجد ثياب المرأة تبقى في ثوب واحد والرجل يبقى في إزار والرضا فقط كما في حديث الرجل الذي قال زوجني هذه المرأة في الصحيحين حديث سهل ابن سعد رضي الله عنه فقال وقامت امرأة فقام الرجل وقال زوجنيها فقال صلى الله عليه وسلم ماذا تعطيها قال أعطيها إزاري قال إذا إذا أعطيت إزارك جلست ولا إزار لك ما عنده إلا إزار فقط قال لا أملك إلا هذا الإزار فقال له إذا أعطيتها إزار قلنا هذا كيف ستكون وأنت عريان قال له ابحث ولو خاتم من الحديد قال لا أجد حتى الخاتم من الحديد قال ما معك من القرآن قال عندي سورة كذا وكذا قال زوجتها بما معك من القرآن كم نتخمع عائشة رضي الله عنها أدي dans صحيح البخاري. Elle a dit, nous n'avions avec nous uniquement un habit, un vêtement. Et là, on ouvre une parenthèse, ici le shir, il ouvre une parenthèse, il est connu qu'à leur époque, radiallahu anhum, les sahaba, ils n'avaient qu'un vêtement. À cause de quoi ? De la pauvreté. Et donc la femme, elle avait un seul vêtement pour elle. L'homme, il avait juste un izar et un rida. Un izar et un rida, c'est tout. Izar, c'est ce qu'on met en bas. Warida, au-dessus. Comme ceci a été rapporté dans le hadith de Sahl ibn Sa'd, radiallahu anhu. Lorsqu'une femme s'est levée, hein, l'histoire est connue. Et il a dit, Ya Rasulallah, marie-la moi. Il a dit, qu'est-ce que tu lui donnes ? Elle est comme dot, comme mahr. Il a dit, je lui donne mon izar. Ma dot, c'est mon izar. Il a dit, mais si tu donnes ton izar, qu'est-ce que tu auras? Tu vas te mettre, tu vas comme ça te retrouver et tu vas être nu. Il a dit, wallah, j'ai que ça. Je ne possède rien except mon izar. Subhanallah, imaginez-vous. Est-ce que vous connaissez aujourd'hui une personne qui vous dit, moi, j'ai qu'un pantalon, c'est tout. J'ai pas de t-shirt, j'ai pas de rien, j'ai un pantalon. Tellement qu'il est pauvre. Allahu a'lam, même le plus pauvre des pauvres à notre époque, minimum, il a un t-shirt, un pantalon, un sac, je sais pas. Minimum. Lui, il a que un izar. Il a rien d'autre à donner. Radiallahu anhu. Alors il dit, pars, va chercher une bague en fer pour lui donner en main. Elle dit, j'ai même pas trouvé. J'ai même pas trouvé une bague en fer. Elle dit, qu'est-ce que tu connais du Coran? Je connais telle ou telle surat. Elle dit, tayyib, donc je te marie, je te la marie avec ce que tu connais du Coran. En échange, tu apprends ce que tu connais du Coran. C'est ça le mahr, le dot. Hein? Bien sûr, ce hadith, Allah, si on parle de ce hadith, il y a tellement d'enseignements. On va passer le cours entier dessus. Inch'Allah, on le verra plus dans le chapitre du mariage. Mais le mohim, pourquoi on cite ce hadith? Pour montrer que les sahaba, ils étaient pauvres, ils n'avaient rien. Radiallahu anhu. Donc Aïcha nous dit, Aïcha, elle dit quoi? On n'avait qu'un nabi. Ma kana li ahli ihdana illa thawb. Fa idha usiba bil hayd, ta'ti wa tada alayhi al busaq. وتمسحه بيدها حتى يزول الحيض وهذا ليس بماء. Aïcha dit, on n'avait que un habit. Et donc quand une d'entre nous, ces menstrues touchaient les habits, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle crachait dessus, elle positionnait dessus et elle frottait. D'accord? Jusqu'à que le sang parte, parce que le sang des règles, il est impur. Ça c'est de l'eau, avec quoi elle a nettoyé? C'est pas de l'eau, c'est la salive. Donc, ça c'est déjà un premier hadith. Également le hadith de Salama radiallahu anha. Quand elle a demandé, Ya Rasulallah, elle a dit, nos habits traînent par terre. Et donc elle ramasse quoi? Les saletés. Comment on doit faire? Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, يطهره ما بعده وهذا ليس بما. Il a dit, ce qui vient après, comme sable et comme poussière, purifie ce qui était avant. Il y a ici ton habit, par exemple, passe dans des impuretés, après elle continue à marcher, il y a le sable qui repasse après dessus, n'est-ce pas? Et bien ce qui après purifie cela. Est-ce que ça c'est de l'eau? Ce n'est pas de l'eau. Donc ces deux hadiths, et il y en a d'autres, qui nous prouvent que quoi? Que an-najasat, les impuretés, ne doivent pas être forcément purifiées par de l'eau. Ensuite, il nous parle, il nous a dit ici que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas conditionné que l'impureté doit être lavée avec un nombre précis, excepté pour une seule impureté. L'impureté de qui? Ou de quoi? Du kelb. Al-kelb, le chien. Pour le chien, il a été conditionné qu'il soit l'impureté, la bave de chien soit lavée 7 fois. Et une fois avec de la terre. قال النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. Si le chien, où il a dit purifiez vos récipients, ou purifier les récipients d'un d'entre vous, si le chien lapait. Le chien qui boit, on appelle ça comme ça, lapait. Lape dans le récipient. Vous le lavez 7 fois et la première fois avec du sable. Hadith dans Sahih Muslim. Donc ici, on voit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a spécifié un nombre précis. Et c'est la seule impureté qui nécessite ce genre de lavage, la bave du chien. Allahu ta'ala a'lam. Je ne sais pas, mais il m'est parvenu que certains scientifiques à notre époque ont trouvé que dans la bave du chien, il y a des bactéries que seul le sable peut éliminer. des scientifiques et des non-musulmans. Allahu a'lam de l'authenticité de cela, c'est ce qui m'a été rapporté. Cependant, en tant que musulman, en tant que croyant, Wallah qu'on n'a pas besoin de cela. Et Wallah qu'on croyait, avant que ces gens disent cela, qu'on y croyait fermement. Hein, tout comme le hadith de la mouche. Hein, et autres, comme les bienfaits du siwak. Hein, quand tu vois aujourd'hui les mécréants qui viennent te dire que le siwak, l'arbre là précisément, il a des vertus hein, exceptionnelles pour les dents. Et là, tu t'es vu certains t'as vu certains, tu vois certains musulmans, ils ont couru vers le siwak. Ils ont attendu que les kuffars leur disent que le siwak est bénéfique pour l'utiliser. Alors qu'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y a 1440 ans et plus, nous l'avait déjà informé. Sallallahu alayhi wa sallam. Al-Muhim. Wa ikhtalafa al-ulama fi najasati al-kalb, pardon. Al-kalb, nafsu wa nir. نجس أن يختلفوا على ثلاثة أقوال. أول طاهر كله حتى اللعاب، هذا مشهور على مذهب مالك، والعلة في الغسل عندهم هي علة تعبودية. Ils disent, le premier avis c'est l'avis de Malikiya. Hein, ce qui est connu des Malikiyas, c'est-à-dire que même au sein du madhhab Maliki, il y a des divergences, comme quoi le chien est pur, même la bave de chien. Et ils expliquent que le hadith où le prophète a demandé de laver 7 fois, ça c'est un ta'boudiyya, c'est une adoration. On le fait par adoration. Le prophète il l'a fait comme ça, il a dit comme ça, donc on suit par adoration. Mais ça ne veut pas dire que c'est impur. Mouhim, cet avis hein, n'est pas. Est faible. Deuxièmement, najis kulluhu. Wada min madhab Ahmed wa Shafi'i. Deuxièmement, il y en a, ils ont dit que tout le chien est impur. La bave, mais aussi les poils, il y en a le chien entièrement. Wa thalithan al-lu'ab najis wa sa'iruhu tahir. Wada a'dalul aqwal. La dalila ala najasatihi kullihi. Yann al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. أثبت أن اللعاب والنجس ولا خلاف أن بوله وغائته pardon, نجس. Et troisième avis, ceux qui ont dit c'est seulement la bave qui est impure et le reste du chien est pur. Hein? Et ça c'est l'avis qui est le plus, on va dire, le juste milieu. D'accord? Il n'y a pas de preuve qui vient montrer que tout le chien est impur. Mais ce qui est mentionné de façon authentique, c'est la bave, d'accord? Le prophète a affirmé que la bave hein, est impure avec le hadith qu'on a mentionné. Par contre, aucun savant n'a divergé sur le fait de dire que l'urine et l'excrément du chien, hein, il est, hein, est impur. Ça, c'est, y a pas de doute sur ça. Fahimtoum? Ensuite, le shir nous dit babu najasat wa kayfiya. Tu l'as pas ça? En fait, là, dans ma version à moi, ils ont mis le titre du chapitre ici. Donc, on saute ce chapitre. Yanni, on saute cette. Excusez-moi. Cette mention, ce titre du chapitre, hein, elle n'est pas dans certaines versions, elle est dans d'autres. Donc, on passe directement à la parole du Moussanif. Wal-Ashiahu Najisa. Awalan Bolul Adami. Donc, après avoir expliqué comment on nettoie les impuretés, on a tous compris maintenant comment on nettoie les impuretés. Il mentionne c'est quoi les impuretés? Quelles choses sont impures? Premièrement, hein, l'urine des êtres humains. Wada bil ijma. La khilafa. Illa ma sayati bit tafsir fi bol il ghulam. As-sagir. Alladhi la ya'kul at-ta'am. Wa qad yashrab ad-dawa wa ya'kul ash-shay'an min at-tamr. Ou l'asal. Ou l'asal, pardon. Yuradi min thadi ummihi. وهذا خاص بذكر لهذا يكفي أن تنضح الثوب. Il dit donc l'urine des êtres humains, ça c'est impur selon le consensus des ulema, des savants. Il n'y a aucune divergence. Excepté, comme on va le voir en détail après, à la fin du chapitre, hein, sur l'urine du jeune garçon, l'urine du bébé garçon, celui qui ne mange pas encore de nourriture. Hein, celui qui ne mange pas de nourriture, on va le voir à la fin du chapitre. Il peut par exemple, hein, prendre des médicaments ou alors manger un petit peu des dattes ou du miel, hein, d'accord? Mais celui qui est allaité par sa mère, qui est uniquement allaité, hein, il ne mange pas d'autre nourriture, d'accord? Lui, on va voir qu'il a un jugement spécifique, hein, dans le fait de dans son urine à lui. Là, on parle de l'urine. Vous me suivez, hein? Thaniyan wa udhratuhu, yani, et les excréments des êtres humains. Tayeb. Thalithan wad-dam illa annahu yu'fa an ad-dam al-yasir. Ensuite, troisième impureté, le sang. Excepté ce qui a été pardonné, comme le sang en faible quantité. On explique ça, Inch'Allah. Aïdan bil-ijma, najis, hatta dam al-adami, lakin al-maqsoud bihi al-kathir. Al-masfouh. Amma dam al-yasir, ou dam al-jarh, alladhi yabqa fil-jurahat, hada laysa bi-najis. Hatta الذابحة هذا الدم الذي يخرج هو دم المسفوح لأنه يخرج بقوة طيب donc il dit ici également le sang selon le consensus des savants hein, le sang est impur même le sang des êtres humains cependant attention c'est quoi qui est voulu ici le sang en grande quantité yani le sang ce qu'on appelle dam al-masfouh c'est le sang qui hein, qui sort en grande quantité, qui gicle. Hein? Par exemple, quand tu coupes le bras, pff, ça, hein, ça, et ça sort en grande quantité, ça gicle. D'accord? Mais là, on ne parle pas du sang en faible quantité. Hein? Le sang d'une blessure, par exemple. Hein? Ou le sang une piqûre, par exemple. On ne parle pas de ce sang-là. D'accord? Ça, le sang, on parle du sang en grande quantité. لكن بقي الدم الذي يبقى في اللحم والعروق فهذا لا بس حتى عند الطبخ لما تطبخ تجد يعني حمرة يسيرة هذا لا بس et dit même le sang qui reste dans la viande ou qui reste dans les veines hein, ça c'est pas grave c'est yani c'est pas impur hein, quand tu conduis par exemple quand tu cuisines il y a un de couleur rougeâtre dans la viande. Ça, c'est pas impur. Ça, c'est pas un problème. Hein? Contrairement à certaines personnes qui disent non, tu peux pas manger la viande quand hein, y a du sang qui sort, etc. Non, non. Ça, c'est pas. C'est sang qui est en faible quantité. C'est pas impur. D'accord? Non, non. Mais là, bien sûr, c'est le sang qui sort en grande quantité. Hein? كذلك ما زال الصحابة والمسلمون صلوا في جلوحاتهم. Donc également, ce qui vient prouver que le sang en faible quantité n'est pas impur, c'est que les Sahaba, ils priaient, ils étaient blessés, ils avaient des blessures. Il y avait du sang qui sortait. Donc si c'était impur, ils n'auraient pas pu prier. D'accord? Et donc, comme on a dit, naqala l'ittifaq, kathir min al-ulama, Ibn Hazm wa Ibn Qudama, illa al-khilaf fi dam al-samak, fa huwa tahir bil-ittifaq. Donc, comme on a dit, les savants sont unanimes sur le fait de dire que le sang en grande quantité est impur. Hein? Ibn Hazm, par exemple, et Ibn Qudama ont rapporté le consensus des savants, excepté concernant le sang des poissons. Hein? Le sang des poissons, selon le consensus des savants, il est pur. Il est pur, d'accord? وَاخْتَلَفُوا فِي دَمِ الشَّهِيدِ hein? وَالصَّحِيُّ وَالنَّجِسِ وَإِنْ كَانَ جَاءَتْ النُّصُوصُ أَنَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُقِرُّ رَاحِيَتُهُ رَاحِيَةُ الْمِسْكِ لَكِنَ النُّصُوصُ عَامْ أَنَّ كُلَّ الدَّمِ مَسْفُوحُ وَالنَّجِسِ. Et aussi, ils ont divergé sur le sang du martyr, celui qui meurt en martyr. Certains ont dit qu'il est pur. Pourquoi? Ils ont mentionné que le hadith ou Yom al-Qiyama, le sang du martyr, il sera, son odeur sera comparée au sang du musc. Hein, cependant, les textes sont généraux. Hein, il dit que tout le sang, tout le sang qui sort en grande quantité, est impur. Donc même le sang du martyr. D'accord ? Ensuite, il se mentionne ici notre cheikh. Il mentionne une histoire qui est assez connue. On va la lire. قَدْ يَقُولَ الْقَائِلُ جَاءَ أَنَّ رَجُلًا وَكَانَ مِنَ الْأَنْصَارِ في غزوة مع رسول الله في غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره صلى الله عليه وسلم بالحراسة فكان يصلي في الليل وجاء مشرك وضربه بسهم ثم بثاني ثم بثالث وما أيقظ أحدا عفوا وما أيقظ نم أحدا وهو قائم يصلي حتى أن عمار ابن ياسر لما استيقظ رأى الدم والسهام قال له لما لا تقذني قال كنت أقرأ سورة فما حببت أن أقطعها حتى انتهيت منها. Donc il est mentionné dans un hadith qu'un homme parmi les Ansar, dans une des batailles avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, la nuit, le prophète lui avait demandé de garder le camp. Lorsqu'un mouchrik les a attaqués, ou a attaqué ce garde. Et donc il a lancé une première flèche, alors que lui il est en train de prier. Il était en train de prier. Il lui lance une première flèche. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Puis une deuxième flèche. Puis une troisième flèche. Et personne ne se réveille. Il ne réveille personne. Et il prie, il continue de prier. Forcément, c'est des flèches, il le touche. Le sang, il coule, n'est-ce pas ? Hein ? Et il ne réveille personne. Jusqu'au moment où Ammar ibn Yasir, radiallahu anhu, se réveille et voit le sang et les flèches. Alors il dit au garde, mais pourquoi tu ne nous as pas réveillés ? Hein ? Il a dit, le garde, radiallahu anhu, j'étais en train de lire une sourate et je n'ai pas voulu couper ma récitation, il n'a pas voulu couper cette sourate. Hein? Ce hadith, hein, Hassanahu Sheikh al-Albani, l'imam al-Albani l'a jugé bon. Hein? Et c'est pour ça que Sheikh al-Albani voit que le sang est pur. D'accord? Que le sang est pur. Hein? Cependant, fil haqiqa, al-ulama al-mutaqaddimin yuda'ifun bisabab rajulin qad tafarrada fil isnad. Mais il nous dit que les savants du hadith, parmi nos prédécesseurs, parmi les premières générations, hein, ont rendu faible le hadith. À cause d'un homme dans la chaîne de transmission, hein, qui s'est isolé dans la narration de ce hadith. Al-Muhim. On voit qu'ici, le hadith, encore une fois, il y a une divergence sur son authenticité. طيب سيلور دل أذان وغصغيت الله إن شاء الله طيب بعد الأذان إن شاء الله طيب ensuite الشيخ يدون un exemple يدي ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعلوق فإنه طاهر يدي comme par exemple donc le sang qu'on appelle المسفوح c'est le sang qui sort par force, quand tu égorges. Hein? Ceux qui ont déjà sacrifié, qui ont égorgé, ils ont remarqué, quand on coupe hein, les veines ici, au niveau de la jugulaire de l'animal, hein, le sang sort avec force. C'est ce qu'on appelle dem al-masfouh. Hein, des animaux qu'on mange la viande. À l'exception, comme on a dit, du sang qui reste dans la chair, dans la viande en elle-même, et dans les veines. Ça, c'est pur, nous dit le shir. Wa dalilu qawluhu wa qawlu Allah subhanahu wa ta'ala qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'amin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijs. Il dit donc, Allah subhanahu wa ta'ala, au sens approché, il dit, je n'ai pas vu dans ce qu'il m'a été révélé, je n'ai pas trouvé dans ce qu'il m'a été révélé, hein, quelque chose de haram, d'interdit, de illicite dans la nourriture qu'on, dont on se nourrit, excepté hein, la bête trouvée morte. C'est-à-dire la bête qu'on a trouvée morte et on ne connaît pas hein, la cause de la mort. Également le sang, donc ici c'est ça le shahid, shahid c'est quoi ? Dam masfouh, le sang qui sort avec force. Hein, et la viande hein, de porc, hein, tout ceci est rips, yani najis. Hein, tout ceci est impur. D'accord ? Donc la viande trouvée morte, la bête trouvée morte, le sang qui sort hein, avec force et la viande de porc, tout ceci est impur. Taïeb. Et ensuite, le shir, il m'a mentionné certaines ou d'autres impuretés. Inch'Allah ta'ala, on fera ça la prochaine fois. Bi'idhnillah. Fajazakumullahu khairan. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.